pas ce genre de joueur, je sais. Un type qui joue l'offensive ou la défense. Ni l'un ni l'autre. Je m'adapte à l'adversaire. S'il aime attaquer, je le force à se mettre sur la défensive. Si c'est le genre plutôt prudent, je l'oblige à prendre des risques. Quand tu viens ici, laisse ces conneries à la porte. Tu accapares chaque pièce comme si tu souffrais de les perdre. Tu veux mon roi? Alors il faut venir prendre mon roi. Les autres pièces ne sont qu'un moyen d'y arriver. Regarde juste la vie qui passe. Tu crois que du moment que tu ne coules pas, les choses vont plus loin. Maintenant. Dans ma banlieue à des enfers, la rue se confie à nous. Les Salvatore Rima, c'est Luke et Luciano. Les suites c'est pas leur cours, c'est pas leur jour. Les soldats sont des pions, les cours est collé à leur tour. Sont prêts à crever pour leur four. La part au sang brisé, je me touche à, je touche à pour chier comme mode Wiki. Quand ton miroir te félicite, je le reste en vie. Un jour sera le roi de la jungle, enfin si tu restes en vie. RDV loin d'ici, t'es prévu, je vais pas te leur dire. L'ancien bar où t'es rentré, on lâche, j'ai pas envie de sortir. J'aimerais parler d'autre chose, c'est bon quand on cause. Chacun sa drogue, sa dose, bouche ouverte comme une négo close. Punir échec en trois coups, certains s'en piffent là où tout le monde s'appelle mon poteau à partir d'un certain chiffre. Quand on a mangé des pierres, on respecte les pattes du tout. Bascule les chemises et tes enfants se cherchent, check him up. Fais pas le fou, c'est pas fou, je passe des FBI. J'envoie une photo de Kala retweetée par le FBI. Secret Society, j'ai dépassé la France, boy. Y'a ceux qui dansent et ceux qui mènent la danse. Sont comme un terrain de danse, le froid est comme drama. Mon seul but c'est qu'on crame, en rappant on crée des dramas. 93 monsters, on respire juste par principe. On fait le max, c'est des fourmis qui flambent avec la Air Max. J'ai jeté du talent au peuple, au vrai au fourbe. J'ai punché tout, j'ai fait le même coup que j'ai vu avec le rôme. Qui parle assumera la colère. Loi unique, j'enraye ici qui paye les violons, choisit la musique. I need money, ma banlieue a un cri. Il devait posséder la vérité à un prix, frère. S'empêcher de bomber le torse, même quand les pecs éclatent. Le roi est mort, Alger est mou, le chèque est mort. Tout le monde parle, personne ne baille. C'est chaud, le roi est mort, long vie au lion. Vive le présent d'hier et demain se revoir. Mis de côté ce que je veux pour faire ce que je dois. J'impose mon forme à l'air juste au milieu des vautours. J'envoie, je réfléchis, hâte, j'aime penser comme les gens qui m'entourent. Planter c'est gros dans le sec de la vie, y'a jamais trop de graisse. Le temps se résume entre ce qui est fait et ce qui progresse. Tous vers la mort, j'ai pas grand chose pour t'assurer. La destination finale, seul change la durée du voyage. Comment j'explique mon rap que même l'effort est rap. Personne ne dicte mes pas, je suis mon propre chorégraphe. Les ennemis parlent la bouche fermée, c'est bien ce qu'il semblait. J'ai toujours juste pensé, même quand ma bouche en tremblait. Même effrayé, j'ai jamais refusé de me battre. La paix au ventre, là c'est ton tour et check et marre. Mon blaze annonce une mission, pas de matrice dans ma liste. Chaque mot raconte une vision, chaque cicatrice une histoire. Chaque jour m'en plus fort que ça, ce fait ne coule pas. Les larmes qui coulent sont dures, mais plus sur son ciel qui ne coule pas. À devenir quelqu'un dans la rue, le frère apprend les nerfs à cran. La place appartient au premier qui la prend. Apprends à obéir avant de donner des ordres, petit. Le brain dit pas ce qu'il fait, le fou ne fait pas ce qu'il dit. Je suis entouré de gens sérieux, qui ne veulent plus du jeu. Qui ne s'enflamme pas comme une mèche à la vue du feu. Je suis tout sauf un menteur, je rappelais vite dans ce que tout. Ils qui sont les traîtres en temps de guerre, demande à Ousmi. L'ambition en relief sur un échiquier de base. Le fou prend la tour, vise le roi, je crois qu'il lui manque une carte. Des couilles, les chefs sont faits pour être au-dessus, mais c'est carte. Le roi est mort, un chef est mort, c'est chef est mort.